Saga. Je passe mon temps à bosser en hiver, en été. Je t'ai pas vu charbonner, qu'est-ce que tu veux célébrer? Je te l'ai déjà dit, rien nous arrête, longue vie. Pas les coups d'avoir les amis, pas eux qui nourrissent ma famille. Tu veux m'arrêter, tu moi comme Pablo. Compte à régler, j'écris ton nom sur un tableau. Tu me regardes, tu me portes l'œil, tu m'envies, mais jalousie, mais yeah. Arrête ça, ça sert à rien. Arrête ça, ça sert à rien. Petit grain de sel. Pourquoi faire semblant, toi et moi, on se sait. Si tu l'as fait avec le cœur, pourquoi tu me fais le rappel? T'es sûrement là juste par intérêt. T'éloigner de moi, t'intérêt quand y'a tel apoca. Je vois ton vrai visage quand tu me parles sous vodka. On est différents, je suis pas dans vodka. Si j'échoue, tu danseras la polka. Des complots dans mon dos, j'avais. Des faux compliments et sourires jaunes, j'avais. J'ai joué le jeu depuis le début, j'avais. Mais j'ai jamais compris d'où venait ta haine. Pourquoi t'en. Je passe mon temps à bosser en hiver, en été. Je t'ai pas vu charbonner, qu'est-ce que tu veux célébrer? Je te l'ai déjà dit, rien nous arrête, longue vie. Pas les coups d'avoir les amis, pas eux qui nourrissent ma famille. Tu veux m'arrêter, tu moi comme Pablo. Compte à régler, j'écris ton nom sur un tableau. Tu me regardes, tu me portes l'œil, tu m'envies, mais jalousie, mais yeah. Arrête ça, ça sert à rien. Laisse tomber, laisse, ça marche pas sur moi. Arrête ça, ça sert à rien. Arrête ça, ça sert à rien.